Chapitre 4. Un malheur est vite arrivé. Corentin se remit au travail, Armande sculptant sur l'autre établi. Sur le coup des 2 heures, Larieux frappa au carreau. Dès qu'Armande l'aperçut, elle disparut dans l'escalier qui menait à l'appartement du dessus. « Je ne veux pas le voir, » dit-elle en s'enfuyant. Larieux ne distinguait guère l'intérieur de l'atelier, d'abord en raison de la saleté des carreaux et aussi parce que le local était sombre par rapport à la clarté intense de la rue. Corentin se rapprocha de la porte et fit signe d'entrer. « Alors ?» fit l'autre en guise de préambule. « Je m'étais trompé. »« Non, il y a bien une famille qui se cache dans ma cave, » répondit Corentin, embarrassé. « Et ce sont des ennemis de la Constitution, hein ? J'en étais sûr, » exulta Larieux en frappant des mains. Il se mit à tourner alors autour de l'établi de Corentin, faisant mine de s'intéresser à son travail. En haut de l'escalier, Armande bouillait d'impatience. Au bout de 2 minutes, Larieux reprit sa position favorite, adossée à un lourd tréteau. « Tu risques gros, compère, tu le sais, si jamais ça vient à se savoir. » « Il n'y a que celui qui les a amenés et toi qui le savais. Sinon, comment veux-tu qu'on l'apprenne ?»« Ben, je sais pas, moi. L'homme pourrait vendre la mèche. Il n'a certainement pas fait cela pour rien. Je le sais bien. Le ci-devant m'a dit qu'il avait payé fort cher le refuge de ma cave. Ah, tu vois bien. Mais celui qui les a amenés n'a pas intérêt à parler, car si la famille est arrêtée, elle le dénoncera. » Et les juges n'auront aucune raison de ne pas croire les Morel. « Oui, oui, » dit Larieux en dodelinant de la tête comme s'il réfléchissait profondément. « Mais moi, je pourrais parler. Après tout, tu n'es pas un révolutionnaire si zélé que ça. » Il est vrai que Corentin et Anisset, après les premières heures de la Révolution, avaient adhéré à la Société des Amis de la Constitution. Le Parlement d'Aix n'avait pas su prendre au sérieux le mécontentement général du peuple affamé qui grondait comme à Paris. La Société des Amis de la Constitution, plus modérée que celle des antipolitiques formés d'enragés assoiffés de sang et de rancune, leur paraissait avoir une démarche qui correspondait à leurs aspirations. Mais, après les premiers engouements, ils s'étaient un peu écartés de cette ardeur révolutionnaire et s'étaient consacrés pleinement à la pratique de leur métier. C'étaient des modérés, des humanistes, et il en aurait fallu beaucoup pour qu'ils changeassent d'avis. Certes, cette attitude modérée, un peu attentiste, n'était pas du goût de tout le monde. Larieux avait raison. « Tu sais, » reprit ce dernier, « j'ai quelques difficultés financières, Corentin. Je pense que tu pourrais m'aider un peu, toi qui gagnes bien ta vie. Si je garde le silence, ça vaut tout de même quelques écus. » On aurait dit qu'un frelon venait soudain de piquer Corentin. Sans lâcher son maillet et son ciseau, il bondit et se mit à tourner autour de Larieux en l'invectivant. « Des dios, oui, des écus, bien sûr. Tu les ajouteras ceux que tu as soutirés à Roncajoles, car c'est toi qui les as amenés dans la cave, toi et personne d'autre, car à part moi, il n'y a que toi et le propriétaire qui ait la clé, et lui, le propriétaire, ça m'étonnerait qu'il s'amuse à ce genre de magouille. » Il se rapprocha encore de Larieux et lui hurla dans la figure. L'homme n'avait pas vraiment peur de Corentin, car dans sa vie de marin, il en avait vu d'autres. Et puis, il avait pris part aux émeutes sanglantes de Toulon, d'Arles et d'Avignon. Sa vie se résumait en une suite de violences entrecoupées de coups fourrés et de rapines. Dès qu'il était venu habiter le quartier, les voisins avaient eu vite fait de l'apprécier à sa juste valeur. Sa femme, en revanche, discrète et bourrue, n'était désagréable que quand elle avait un coup dans le nez, ce qui lui arrivait tout de même fréquemment, dès qu'elle avait de quoi se payer une bouteille de marc. Elle ne sortait de chez elle que pour aller travailler au champ où elle abattait largement la besogne d'un homme. « Ce n'est pas la peine d'essayer de me faire peur, j'en ai maté des plus costauds que toi, tu sais. » Comme par magie, la main droite de Larieux tenait maintenant un long couteau, geste qui eut donc d'énerver encore plus Corentin. Ce dernier s'approcha de lui, le menaçant de ses outils. Pour l'effrayer, il fit un moulinet avec son maillet, le faisant passer à 2 pouces seulement de la face de Larieux qui recula pour parer le coup. Son pied buta sur un gros tasseau qui traînait à terre. Déséquilibré, il tomba en arrière et sa tête heurta lourdement le valet de fer planté dans l'établi. Son corps glissa doucement à terre et resta assis, le regard vide. Son couteau lui glissa des mains. L'établi était déjà rouge de sang. « Eh oh, Larieux ! Réponds-moi, nom de Dieu !» s'alarma Corentin en le secouant. « Allez, ça n'est rien, tu vas revenir à toi » continua-t-il en lui tapotant les joues. Comprenant qu'il s'était passé quelque chose de grave, Armande descendit l'escalier sans bruit et avec une belle présence d'esprit, alla d'abord mettre le verrou à la porte. Puis elle se pencha près du corps de Larieux. « Qu'est-ce que tu crois qu'il a ? Il est simplement tombé en arrière. » Sans répondre, Armande tourna doucement la tête de Larieux. Corentin vit alors l'affreuse blessure qu'il s'était fait au-dessus de la nuque. La tête du valet lui avait défoncé le crâne. « Malheureusement pour lui, il ne parlera plus, » conclut Armande. « Il est mort, mon bon. »« Mon Dieu !» gémit Corentin en tournant en rond. « Qu'est-ce que nous allons faire? Tout le monde va croire que je l'ai tué. Et si ça se trouve, il m'a déjà dénoncé, le chien. » « Tu as raison, » fit Armande en prenant sa main pour l'apaiser. « Personne ne voudra croire qu'il est tombé comme ça, par hasard, la tête sur le valet de ton établi. Il faudrait que tu expliques que vous êtes disputé, et on demandera à quel sujet, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Écoute, on va déjà le cacher et nettoyer ton établi et le sol. Après, on avisera avec ta femme et mon mari. Allez, remue-toi. Et les aristos, qu'est-ce que je vais en faire? Si la rue a parlé, je ne peux pas tarder à avoir de la visite. Et sa femme, tu crois qu'elle en sait quelque chose? Oh là là, dans quelle mouise je suis! Nous sommes, tu devrais dire, nous allons tous en prendre. Les deux amis montèrent promptement la rue en haut de l'escalier. Sa blessure ne saignait pratiquement plus et ils eurent au fait de nettoyer toute trace de sang dans l'atelier. « Il est 3 heures, » dit Corentin. « Tu devras aller chercher les autres. Il faut qu'on trouve une solution avant la nuit. Je veux que demain matin tout soit réglé. »« Que Dieu t'entende, » dit Armande en partant. Corentin se laissa tomber sur un tabouret, la tête dans les mains, au bord des larmes. Il voyait de lourds nuages noirs s'amonceler sur sa tête, sentait déjà la morsure de la corde autour de son cou sur la place des prêcheurs. Et bizarrement, l'image d'Armande en pleurs s'imposa devant ses yeux. Il ne voulait pas qu'on lui fasse du mal, qu'elle souffre. Il fallait qu'il soit fort et que tous les quatre se sortent sans anicroche de ce cauchemar. Ses deux amis et sa femme entrèrent dans l'atelier. Corentin était toujours assis sur l'escabelle. Manon vint lui prendre la tête entre les mains et l'appuya contre son ventre dans un geste plein de tendresse et de féminité. Anicet passa sa main dans les cheveux de Corentin, fourrageant sa tignasse rousse. « On va trouver, » dit-il simplement. Anicet et Manon avaient vite compris le dilemme où se trouvait Corentin. Il fallait se débarrasser du corps de Larieux au plus vite, ainsi que des aristos cachés dans la cave. Le but était simple, mais les solutions complexes. Pendant 10 bonnes minutes, le silence régna parmi les 4 amis, chacun se creusant la cervelle pour trouver une solution. « Et si nous mettions le corps dans la cave de la rue du Griffon ?» proposa Manon. « Et puis ?» « Crois-tu que nous pourrions le laisser indéfiniment? Il finirait par puer, le propriétaire en serait alerté. Nous n'avons qu'à le transporter en dehors des remparts et l'abandonner au bord d'un chemin, de l'autre côté, au-dessus du cours Notre-Dame, » suggéra Armande. « Non, trop risqué, » refusa Corentin. « Il nous faudrait franchir soit la porte Notre-Dame, soit la porte Saint-Louis, et là, on risque fort de se faire contrôler. Et si on l'enterrait dans la cave, là, sous ton atelier ?» continua Armande, s'adressant à Corentin. « Tu es déjà allé dans la cave? C'est plein d'eau et ça pue déjà le cadavre. » Anicet, qui jusque-là n'avait rien dit, finit par prendre la parole. Le gris de ses yeux avait pâli. « Il faut s'en débarrasser à l'intérieur des murs. La nuit va tomber. Nous allons le coucher sur le plateau du charton à bras. Il est assez long pour porter un corps. Nous placerons par-dessus un radassier recouvert d'un drap de protection qui couvrira aussi le corps en dessous entre les pieds du fauteuil. Ce ne sera pas la première fois que les gens nous verront pousser la charrette dans le quartier. » Pour aller livrer des divans ou des fauteuils. À la nuit ? S'étonna Manon. Mais oui, mon ami, cela nous est déjà arrivé, surtout en hiver, rétorqua Anicet. Pas vrai, Corentin ? Et à qui allons-nous livrer ce radassier ? Interrogea ce dernier. À des gains, Corentin. Le client nous aura fait fond bon, alors nous ramènerons le divan ici, mais entre-temps nous nous serons débarrassés du corps. Et où comptes-tu le mettre, ce macabée ? Demanda Armande. Nous irons derrière les ruines du palais comtal, du côté de la rue des Bouteilles, là où les fondations de la nouvelle prison sont en train d'être bâties. Chaque soir, il y a des risques et des ribauds dans ce coin. Ce ne sera pas la première fois qu'on y trouvera un cadavre au matin. Une querelle qui aura mal tourné. Larieux se sera fait casser la tête. Ça n'étonnera personne vu son passé trouble. « Mais on va nous voir !» objecta Corentin. « Pas forcément. Il y a des endroits qui ne sont pas éclairés, puis nous agirons vite. Nous n'aurons même pas besoin de porter le cadavre. » L'assurance d'Anicet impressionnait les 3 autres. D'ordinaire, il faisait preuve d'un solide bon sens et racontait rarement des fariboles. Qu'avait-il inventé là? Pourtant, Corentin n'avait pas l'air très inquiet, car il avait en son ami une solide confiance. De plus, il commençait à supputer la méthode d'Anicet. « Tu peux nous expliquer, Anicet ?» demanda Manon, « car je trouve que c'est très hasardeux. » Ce fut Corentin qui prit la parole pour vérifier s'il avait bien trouvé le stratagème de son ami. Nous allons attacher solidement le radassier pour ne pas qu'il bouge, mais pas le corps de l'arieux. À l'endroit voulu, il nous suffira d'incliner le plateau vers l'avant et le corps de l'arieux glissera sur le sol, emporté par son poids. Une fois qu'il aura les jambes qui touchent le sol, précisa Nisset, il nous suffira de tirer la charrette en arrière pour que le corps entier quitte le plateau. Et de là, nous continuons notre chemin. Disons que vous aurez perdu l'arieux, c'est bien ça ? Demanda Armande avec un vague sourire. Et voilà, affirma Nisset dans un petit rire. Les quatre amis se laissèrent aller à quelques sourires de soulagement, même si les circonstances eussent réclamé plus de sérieux. Si personne ne vous voit, ça peut effectivement très bien fonctionner, conclut Manon. Mais ça fonctionnera, Crénon, ne nous porte pas la poisse, s'offusqua Corentin. Une minute fut nécessaire aux deux femmes pour bien assimiler la méthode et ses chances de réussite. Bon, fit Corentin en se tapant sur les cuisses. Passons maintenant à la famille du notaire dans la cave. Moi, je n'ai pas d'idée, à part de les jeter à la rue avec un bon coup de pied au cul. Mais il ne leur est pas possible de retourner chez eux. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont un petit mât dans le Luberon. Mais comment leur faire passer les portes? Si vous pouviez voir seulement comment ils sont accoutrés. Ah, pour ça, impossible de les faire passer pour des paysans ou des ouvriers. Le silence tomba lourdement dans le groupe. Une personne seule, à la rigueur, n'aurait pas posé de problème, mais quatre. Manon eut l'idée qui s'imposait. Il ne faut pas qu'ils sortent tous ensemble. Il vaudrait mieux caser les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. « Caser, tu dis ?» remarqua Nisset. « Et où ?»« Moi, » répondit Manon, « j'ai une solution chez les Carmélites, rue du Bon Pasteur. Vous savez là où il y a l'oratoire ?»« Hein ?» fit Nisset. « Tu veux dire la rue du Puichot ?»« Mais il y a des sœurs, là. »« Il y en a quelques-unes seulement. Je suis bien ami avec elles. Si je leur demande de cacher des femmes pour 2-3 jours, je suis sûr qu'elles accepteront. »« Et après ?» demanda Corentin à sa femme. Après, ça ne nous regarde plus, t'es. Mais je pense qu'elles peuvent leur faire franchir les portes quand elles se rendent à leur potager, hors les murs. Les trois autres réfléchirent à la pertinence de l'idée. Anicet hocha la tête en signe d'assentiment. Tu as toujours de bonnes idées, Manon, renchérit Armande. Bon, fit Corentin. Et pour les deux hommes, que fait-on? Amène-les ici. Quand il fera nuit, nous les ferons passer au séminaire, soit par les jardins. Si on nous laisse traverser les maisons qui donnent dans la rue du Grand Séminaire, soit, carrément, en empruntant les rues, c'est à 2 pas. Je vais prévenir le père Reboul, il me doit des services, vu que je lui ai retapissé 4 prie-dieu à l'œil. C'est un ancien jésuite, il comprend les affaires. Allez, boulégon, qu'après il faudra s'occuper du père Larieux. Je vais prévenir les sœurs, dit Manon en sortant de l'escalier. Sois prudente, dit Anicet, et ne cache rien aux sœurs, autant rester en bon terme avec elles. Il la regarda s'éloigner en lui souhaitant intérieurement bonne chance.